physical health. Okay. Tu connais ça? Yes. Ça, ça dit, non? Ça, c'est une personne, il a un problème dans la tête. Aujourd'hui, je parle de ça. Bon, je parle pour les femmes. Parce que les femmes, ils souffrent beaucoup le truc comme ça. And do you think that, I have a question for you. Yes. Do you think that women suffer more than man or boy? The mothers, the women are the mothers. She suffer a lot. She need to take care of the children. She need to take care of the house, everything. So she suffer a lot. Yes, but the time have changed. You know, men can do the same thing than the woman now. Can be changed. Yes, it can be changed, yes. Yeah, it can change. Yes. But what I want to say that yes. Women can do the same thing than men now. Yes, we can so do... So they can suffer sorry. More or less, sorry. Yes. We can do everything. We can do everything, yeah. But women need to take it easy. We need to take it easy. Yeah. Because we have too much on the mind, too much responsibility. Mm. It is more than men. The woman take care of the children. It take men take care of the men, the household, the food, everything. Bring the children to school, everything. The men need to stand up a little bit now. Yes, I agree. Oh. Yeah. Yeah, I didn't mean that. I didn't mean that. Alors pour les non-anglophones, Gloria nous parle que bon la femme a beaucoup de responsabilités. Oui. Yes. Mais ce que je voulais dire c'est que maintenant les temps ont changé et les hommes peuvent sont pareils et doivent et c'est pas ils peuvent. Thank Salut. You so much. Salut Jean-François, merci. Je pense que c'est un terrain d'entente à avoir. C'est un terrain d'entente. Pour moi, c'est un terrain d'entente. Ouais. Ça veut dire que l'homme et la femme sont faits de qualité et l'homme, dans tout ce qui est ménage et compagnie, il acquiert beaucoup plus de stress que la femme, alors que la femme se déstresse avec ce genre de choses. Des fois, elle est en colère. Des fois, elle est en colère. La femme africaine, quand elle est en colère, elle prend le balai, elle te nettoie la maison en clean et clean, classe à Nia. Et la femme par française, contre, c'est quoi le rapport ? La femme française, elle t'achète le Roman Books. Il faut carrément la femme française, c'est différent. La femme française, elle est remplie de ces valeurs-là depuis longtemps. Ça veut dire qu'elle le fait sans vouloir le faire. Elle le fait d'aplomb. Elle le fait normalement. Can I jump in? Elle le fait yes, bon. Okay. Can I jump in? The black woman do a lot of things. Yeah. Yes? I think it is too much. Today, I'm going to stand up for the black woman and for the woman in general. We are doing too much and it has to stop. Amen. I do not want to go anymore to the mental hospital because I have too much things to do. And I get... Yes. I get punished if I do something wrong. The yeah. government will take my children if I stretch out, if I have depression. And that is not good. I have a song for you if you know Cynthia Everon. No, Cynthia, I have a song for you. Yes. His name Stand Up. Okay. But this is the... bon, je vais le faire en français parce que là, j'ai la flemme de Vas-y. Continuer. T'as pas la flemme, Cynthia tu sais pas dire. C'est pas la même chose. Non, j'ai la flemme. Is that Bob Marley? No, Cynthia Erivo. Ça marche? Donc c'est une chanson qui a été faite pour le film Harriet. Et ouais bah pourquoi on m'entend plus là ok. Et c'est une chanson qui parle sur quoi il faut se lever pour changer le bon, vous comprenez l'anglais. Vous allez comprendre vite les paroles. Hein. Ouais, mais on n'entend pas. Oui, non mais je parle, mais faut la remettre au début. This is a song for women. Yes. To stand up. I do what I can when I can. Yes, this is my song. This is from While the clouds roll back in the stars, this is my song, yes. That's where I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to the brand new home. Put it a little bit softer. Freedom calling me to answer. I'm going to put it on my YouTube and then I'm going to put the words. Let me find it. In the meantime, Queen Omega, the Bible. I am morning. Take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, do you hear freedom calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up. Take my people with me. Together we are going to. Les paroles sont incroyables. You know what is funny? My son is 25 years old. And he said to me, he have Netflix. He said, Mama, I saw the movie of Harry and Truman, and I think about you. I say, yes, my son, because I stand for that. Yeah. Can you explain the story of this yes, movie? Yes, I can explain the story. This story is about a black woman that was in slavery that want to save her people. Yep. But me, I want to save women. I want to make it better for them. Because make women great again. Yes, make them great again, to make them women again. Because many women are minuscule. Because of they have to do a lot of things. They cannot be feminine. They cannot be a woman anymore. They have to be like a man. They have to carry a lot of loads. They have to do all kind of things. And it is time that men need to take their position. Men need to take their position. They are men because they have different kind of things than women. We cannot do everything. A woman is going through menopause and she's still working. It is not possible. Elle a raison. Elle a totalement raison. Ouais. Donc, you did? Thank you. Thank you. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, on parle de, on parlait que Gloria nous disait qu'elle avait un fils de 23 ans qui 25. A regardé 25 non. ans, ok? 25. Ouais, ouais, qui a regardé Netflix et il a vu le film de Henriette, c'est ça? Henriette Turman. Henriette Turman, ouais. Yes. Freedom. Yes. C'est Freedom et ça parle de l'esclavage. En fait, c'est une femme qui a fait, enfin, qui travaillait, enfin. C'est pas un travail, mais qui était dans l'esclavage et qui a voulu se soulever contre. Okay. Moi, j'ai quelque chose à dire. Moi. C'est un scénario. Et donc, Gloria nous disait que suite à cette histoire, elle, elle est venue sauver les femmes. Oui, j'ai dit ça. Peut-être Ouais. T'as pris ta place. C'est fait pour moi. Ça y est, elle est à l'aise. Je suis trop à l'aise là. Elle va se reconvertir en animatrice radio. Je pense. I have a question. I have a question because I'm a very serious person. In life, I like to make jokes, but I'm very serious when I talk. Because before, when I was young girl, when I was 26, I worked with the radio in Amsterdam and television. So I have a question for all men in the room here. I don't want to be hard, but I just want to make an awareness. What do you do for your wife? Did you buy flower for her? Okay. When was the last time you bought flower for her? Merci. When was the last time you said thank you for everything that you do for Pose me? Pose les bonnes questions. When was the last time you went to your mother? Okay. Alors, moi, je vais répondre. Donc, moi, petite répondre. Parenthèse pour ceux qui n'ont pas compris. Gloria a posé une question pour les personnes qui sont dans la salle. Et ils ont dit, elle a demandé qu'est-ce que vous faites pour votre femme? Est-ce que vous lui offrez des fleurs? Est-ce que vous lui dites merci pour tout ce qu'elle a fait? Alors, moi, je vais répondre. Tu bégayes un petit peu. Là. Je bégaye parce que c'est mon ex. Mais du coup, parce que en fait, elle m'a quitté parce que j'ai été trop attentionné avec elle. Oula. Je sortais avec une femme qui était à mobilité réduite, c'est-à-dire en fauteuil roulant. Et je faisais presque tout. Je faisais tout. Je l'ai même aidé à remarcher. Ça, d'ailleurs, c'est un de mes souvenirs mémorables que je raconte à chaque fois. C'est le fait d'avoir aidé à marcher comme avant. Et je pense que mon plus gros échec là-dedans, c'est le fait de ne pas l'avoir marché véritablement. Parce que je l'ai aidé à marcher comme ça, mais je sais qu'un jour elle va remarcher. Et je n'aurai jamais la chance de voir ça. Donc, then she's very stupid. Yes. Then she's very stupid because who don't want a good man? Vraiment. Bah, qui ne voudrait pas un homme, un bonhomme? Un homme si attentionné, voilà. If you are a good man and she don't want you, that means he's very stupid. I am very sorry to say that. Mais c'est la nouvelle, c'est la nouvelle génération qui est comme ça. Elle a dit, je suis vraiment désolée de te dire que ton ex était vraiment stupide. C'est la nouvelle génération qui est comme ça, qui... Après, je vais pas parler parce que... Je vois qu'il y a une nouvelle génération, là. Ok, non, on t'écoute. No, come here. I need to ask you to... Okay, you come back. It's okay. What we need nowadays is we need a good woman that is giving other good examples to other people, to children, to men, and to everybody. We need a good a woman as example. C'est vrai. Oui. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et derrière chaque grande femme, il y a un petit homme. Un petit, petit homme, ouh là là. Ouh là là. Moi le patron, mais c'est ma femme qui donne les ordres. Oh là là. Prends le micro, il faut que tu parles. Ouais. Mais sinon c'est fait. C'est juste pour dire un petit truc comme ça. Oui, mais c'est bien que tu le dises. Oui, c'est sur des sujets tellement intéressants. Attends. Le problème, c'est que si on ne parle pas au micro, les gens, il y a des gens qui nous écoutent, ils sont perdus dans les dialogues. Je vous rassure, il y a deux personnes qui nous écoutent. C'est ça, on fait la radio, c'est ça. C'est pour que ça soit. Docteur Serra et. Communiqué. Fidèle au poste. You know, when I look at people today, yes. When I see some mistakes or not mistake, some bad behavior, then I say, okay, Maybe the mom or dad didn't educate them well, because in life you need education to overcome many things, and then you need to teach the children from small how the life is going, and that is how older people need to do that. And I think I don't know, because I ask many days in my room alone, I ask, why is the world like this? Why everything is going wrong? Why many women do not understand mothership? And why many men do not understand manship? I'm really asking myself, this is the radio. I'm really challenging everybody to give me an answer. Why people do not understand life when we are men and women? Simple. When women and children, simple. I think that men and women does this for, you know, they complicate their life. Yes. Because they said inside them, if it's too easy, voilà ce que ça fait de faire plus fort. Désolé. Ouais, il n'y a pas de joie en gros à vivre si c'est trop facile, quoi. Mais continue en anglais. Non. Ok. I want to say a last thing, then I'm going to leave the mic for somebody else to say something else. It's wonderful. In which radio do you work in Amsterdam? In Mart Radio. Radio. Your radio. It's in radio for the South Americans. Yes. And I work for the biggest television station in Amsterdam, in Hilversum. Great. Yes. And maybe you can send us your address. Yes. Or see, have some podcast or something like that to put in our radio, please. Radio Metanoia, okay, we speak in all language. ¿Hablas español o no? Un poco. Pero entiende. Can I say a last thing before I go? Of course. You have all the time. If you are a woman or man and you are sick and you cannot talk with nobody, please do not take your life. Go to the doctor. Talk to somebody on the street. Say, please, madame, monsieur, je suis malade. Aidez-moi, but prends pas ton fille. La fille, c'est belle. La fille, c'est belle. S'il te plaît. She dit, my name is Gloria Seydorf. Yes, I grow up in a children's house. I was adopted. I know everything of miserable. I know everything about that. But please, I saw many children taking their own life. Please, if you are in a situation like that, give awareness. We have number for this. Oui, donc voilà, Gloria nous disait que bon, pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui se sentent dans une situation, on va dire, inconfortable, qui se sentent pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement, de parler à quelqu'un, de ne pas garder ça pour soi, de parler à un médecin ou n'importe, de vraiment s'expliquer. Il y a aussi un numéro dans ces cas-là, ça s'appelle SOS Amitié, c'est 09 72 39 40 50. Et donc, ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si vous avez vraiment besoin. Bonsoir. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un par rapport à ce que vous ressentez ou si vous n'êtes pas bien, vous pouvez appeler ce numéro, c'est SOS Amitié. Voilà. Tu peux redonner le numéro, s'il te plaît ? 09 72, vous devriez le connaître, normalement. Oui, je sais, mais je l'ai oublié. C'est un test pour savoir si tu le connais. 09 72 39 40 50. Ok, merci. Jason, tu penses quoi de tout ça? Vas-y, Jason. In English. English. Oh non, tu peux parler en français, en arabe, en langue des signes. Je ne sais pas. Tu sais pas? Non, mais tu as quand même une petite idée. Ah oui. Si, c'était intéressant. C'est intéressant, non? C'est intéressant qu'on puisse parler. Et puis aussi, voilà, que les gens sont libres, qu'ils ne sont pas oppressés, qu'ils sont en liberté de faire des choses. Oui. Ouais. Pour toi, quand une personne est malade ou autre, elle devrait en parler à quelqu'un ou tout garder pour soi? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Garder pour soi ou non le dire. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la situation, ça dépend de la personne que tu es en face. La situation. Quelle situation que tu penses que tu devrais garder pour toi et que tu ne dois pas décrire, enfin, que tu ne dois pas en parler à une personne? Tu peux en parler à quelqu'un. Comme qui? Mais ouais, moi je pense que si, pour reprendre ces trucs, je pense que après faut remettre ça, faut pas dire qu'on est une fierté, donc faut pas dire à tout le monde comme on est, mais Je pense que si ça peut mettre la personne réellement en danger, ça peut être dangereux. Par exemple, si on n'est pas bien parce que une personne nous menace et qu'on dit des choses, c'est con, hein, mais bon, personne ne peut rien faire maintenant. La police, bon, bah, ouais, il y a quelqu'un qui vous menace de vous tuer, bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, mais bonsoir. Mais. Ouais. Voilà. Là, c'est vrai qu'il faudrait que le monde se bouge un petit peu plus. Ouais. Ça bouge ou pas? Vous pensez que ça bouge un peu? Doucement. Doucement, ouais. Ouais. Ça va plutôt dans le sens de la guerre, tout ça, hein, c'est pas très bon. Mais moi, je pense que là, vraiment, là, c'est les femmes qui peuvent aujourd'hui apporter au monde une nouvelle vision du monde. Moi, j'aurais dit les hommes avec un grand H, incluant les femmes. Ouais, ouais, mais c'est, ouais, c'est parti. Moi, je suis un homme, mais je suis parti aussi de la cause des femmes, dans le sens de, mais des nouvelles pensées. C'est-à-dire que pas seulement de soumettre l'homme, parce que maintenant c'est à la femme d'être la dominante. Mm-hmm. C'est proposer des nouvelles manières de communiquer, d'être ensemble. Non, je pense pas que c'est la femme. Je pense que c'est plus la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération ne se laisse pas marcher dessus. Donc c'est vraiment la nouvelle génération qui va donner les directions à prendre et tout. Ouais. Mais aussi, il y a des gens de génération. Par exemple, là, je vais montrer une petite chanson d'une Brésilienne qui s'appelle Elsa Soares, qui est décédée cette année, 91 ans, qui a fait la samba jusqu'à la fin de sa vie. Et cette chanson s'appelle La Mulère du fin du monde. Bonsoir. On va écouter sur Radio Metanoia, sur Pinode. Pinode, alors, bonjour, bienvenue. Ok, monde. Let's go. On va écouter ça. Yes. Comment s'appelle le titre? Mundo Mulu? Muller de fin du monde. Ok. Na chuva de confetes, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida, deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto. De confetes, deixo a minha dor. 16h16 sur Radio Métanoïa, on est en direct de Ville-Évrard à Bondy. Et on a avec nous Anastasia qui va nous chanter une chanson en a cappella. C'est bon ? C'est bon. Effleurer tes sens et t'apprivoiser, apprendre à te décoder, aspirer, avertir. C'est comme dans un conte de fées, sans baguette ni sans secret. Transportant toutes les saisons de Vivaldi par demi-ton. Ne m'en veux pas si je t'aime, ne t'en fais pas. Si je saigne des gouttes de rêve dans chacun de tes gestes, quand parfois j'y crois. Ne m'en veux pas si je reste seule dans le froid de ma veste. Je ne vis que toi dans mon moi. Et tu t'en vas, et tu t'en vas, et moi. Vraiment, bravo. Ah ouais, rien à dire. Ça, c'est studio direct, là. Là, c'est le studio direct. Bravo. C'est le studio. Wow. Bah, merci beaucoup. Quelle belle voix, Anastasia. Et quel courage de chanter devant. Et ça, c'est une chanson à vous ou là, c'est une chanson de quelqu'un? C'est mon beau-père qui l'a écrit pour ma mère. Oh là là, magnifique. Ouh, une chanson d'amour. Ouais. Bon, il faut que vous venez nous chanter tous les mercredis parce que je passerai, il n'y a pas de problème. Okay. Merci de votre voix, Anastasia. Allez, gros bisous. Bisous. Bonne journée, bon après-midi. Aussi. Merci de partager avec nous ces petits moments. Super sympa. Merci. À bientôt. Ça fait penser que moi aussi j'ai écrit une chanson pour vas-y, mon chante. Lance-toi. Ouais. C'est le moment. Pas c'est le moment. Capella, pas a cappella, surtout pas. Pourquoi non? Pourquoi t'as je composé la musique aussi? Hein, t'as fait la musique aussi? Je fais de la musique. Parce que sinon, il faut préparer, tu vois, ça c'est en 10 minutes. Hein. Enfin, oh. Mais oui, parce qu'il faut chercher ta chanson, ça passe pas sur le truc, c'est Spotify. Voilà, il faut les gens à cappella. Jason, vas-y, à cappella, tu veux chanter? Non, merci. Attends, je. Ah ouais, il y a des micros là pour tout le monde, hein. Tu peux partager. Y a... On a 4, 5, 6 micros, on a des micros pour tous. Je retrouve le texte. On a une nouvelle personne. On a un nouveau candidat. Enfin, il s'appelle Eli, il va juste se présenter. Allez. Non, je vais vous présenter. Bon, bah, je le présente alors, il s'appelle Eli. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc, il est venu nous écouter et tout. Et il prend part à la discussion. Mais comme il est timide, ouais. Je vais interagir à sa place. On fait okay. Ça je parle pour toi. Non. Alors. Vas-y, allez, prends un micro. Vas-y, c'est juste pour qu'on t'entende. Non. T'as une belle voix en plus. Radiophonique, il faut. Juste bonjour. Ouais, voilà. Ah. Bon après-midi. Ouais, merci, Eli. Okay. Oui, on l'a entendu. C'est génial. J'ai retrouvé mon texte que j'ai écrit pour mon ex. Pas la caméra, c'est la radio. Il n'y a pas de caméra. Juste la radio. Non, il n'y a pas de caméra. Sur l'ordi, là. Non, non. C'est parce que l'ordi est c'est allumé. L'ordi est allumé. Il y a pas de... Alors, parler de mes. Je vais pas le chanter, je vais juste le slammer. Ok. Parce que j'ai pas d'autotune et c'est pas beau sinon. Tu vas nous la faire à la Grand Corps Malade. Ouais. Ok. Parler de mes sentiments, je ne le fais. Parler de mes sentiments, je ne le fais pas souvent. J'ai du mal à exprimer tout ce que je ressens. À vrai dire, j'ai jamais eu le temps de les apprendre. Mais si tu me laissais une chance, je saurais le prendre. Crois-moi, tu peux me faire confiance. Mon cœur n'a pas besoin de pansement. Pour moi, l'amour, c'est comme une science. J'ai tant de besoin de toi comme un médicament. Il faut que tu me croies et arrêter de penser que je mens. À force de douter, j'ai perdu le goût à aimer. Mais avec toi, c'est différent. Tu me fais sentir un autre homme. Je me sens libéré. Tout l'amour que tu me donnes, je saurais te le rendre. Depuis que j'ai goûté à tes lèvres sucrées, je me sens vraiment plus grand. J'ai arrêté d'espérer et j'ai su attendre le bon moment. Je sais qu'on ne va pas le regretter. Et si un jour je t'ai déçu, fais-le-moi comprendre pour qu'on avance ensemble. Quand je suis loin de toi, je peux sentir que nos baisers nous manquent. Je nous vois tous les deux un grand avenir. Reste avec moi, le plus beau reste à venir. Je te traiterai mieux que lui. Ce que je veux, c'est me réveiller dans le même lit. Si je pouvais, je te couvrirais de lys, car tu es ma reine à la police. Et si je pouvais atténuer tes peurs, je les ferais d'office. Génial. Ah, ça commence à se moquer. Yes, let's go. Bah, c'est sentimental, c'est révélateur. Mais... Prenez le micro, parce que c'est sinon, les gens... Là, on est en direct, ah. Et les auditeurs sont perdus. Si, bah, si. Élie, allez. Frédéric. Non, franchement, c'est un très joli texte, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Jason, ouais. Vas-y, prends la voix. Donc ça, c'est le texte que j'ai écrit à cette fameuse personne qui est mon ex, du coup. Et c'est pas un texte que j'ai écrit. Enfin, j'ai écrit ça, mais en même temps, je l'ai mis sur les réseaux. Donc si vous voulez l'écouter, c'est sur Spotify, Deezer, YouTube. Ah, ok. Et c'est quoi ton nom ? Julien Carrado. Ok. Voilà. Et il y a d'autres chansons aussi, je fais ma petite pub. Je me permets. Mais... voilà. Et j'aimerais atteindre les 360 auditeurs par mois, donc si je pouvais. Voilà. Ok. Ici, là ? Non, sur pas sur la radio, mais okay. sur mon Spotify. Ok. Tout ça. Bah, les gens allaient streamer. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Exactement. Vous prenez vos téléphones. Julien, comment ? Carrado, C-A-R-A-D-O-T. Julien Carrado, exactement. Prenez vos téléphones. Donnez-lui de la Sephore. Yes. Ça y est, une vraie animatrice radio. Oui, t'inquiète pas, c'est mon deuxième métier, là. Fais-moi confiance. Ben voilà. Bon, très bien, merci Julien. À ta fois, toi aussi, tu composes tous les semaines, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. C'est bien, ici, on a des vrais artistes, tous engagés à la composition. A-R-A-D-O-T. Parlez au micro, s'il vous plaît, parce que là... A-R-A-D-O-T. Tous les mots qui parlent, c'est au micro, parce qu'on est en direct, sinon les gens se sont perdus. C-A-R-A-D-O-T. Cynthia, est-ce que tu veux dire accompagne-nous dans Gloria. Je crois que c'est Gloria, mais c'est pas grave. Gloria, pardon. Je sais pas pourquoi je t'appelais Cynthia. Non, mais parce que ton nom de famille, c'est Cynthia. Seydorf. Mais rien tu peux à prendre. Toujours rien à voir, c'est vrai. Tu peux prendre un micro. Attends, on a 6 micros. Il y a des micros pour tout le monde. Oh, le retour de Makaya. Ouais, voilà. Gloria Seydorf, vas-y, on t'écoute, ta belle voix. Tu veux dire, dis-nous quelque chose. On t'entend. What do you want me to say? Il a dit, bah, dis-nous quelque chose, n'importe, ce que tu veux. Okay, you want a discussion? Comment? Okay, I want to say something else. Maybe the subject is too heavy, but I have only heavy things. Okay, dis-nous. So I wanted to talk about the house, about, I don't know if I say it good, consensus 115. Mm-hmm. 115 need to help people to lodge people in a place that they can be good. But many times when you call them, they tell you, no, we don't have place. Mm-hmm. Many people are sleeping in the street. Mother with children are sleeping in the street. Pause. Alors, okay. Pour ceux qui ne comprennent pas, Gloria nous parle des maisons, des personnes qui font des demandes ou soit, qui se retrouvent malheureusement avec leurs enfants. Leur famille dehors, sachant qu'il y a des places en fait. Donc vas-y, tu peux continuer. Okay, you call them. It takes maybe 5 hours before they answer the telephone. Okay, bon, tu les appelles et ils peuvent mettre 5 heures à te répondre au téléphone. And to come back to the awareness, what I'm saying, awareness and mental health for people, for women, consent need to help women to find a good place so that we can educate our children very good. Donc, il faudrait plus de place pour les femmes, parce qu'ils ne peuvent pas être dehors. Mm-hmm. Donc, il leur faut une bonne situation. Oui. Je parle français un peu aussi. Excusez-moi pour les fautes, comme je parle français. Les femmes besoin d'un truc bien pour les enfants. Les enfants, c'est très important pour le futur. Parce que l'enfant, c'est le futur président, futur docteur, futur avocat. Comme la maman n'est pas bien, le papa n'est pas bien, l'enfant n'est pas bien aussi. Quand sens une 5, il a besoin de donner une place bien. Plusieurs fois, il donne une place avec le cavard, avec le truc comme ça, ça, c'est pas bon. Après, il punit les femmes. Il punit les femmes pour prendre l'enfant. Ça, c'est pas bon. Comme je parle, je rigole pas. Je suis une sérieuse personne comme je parle. Mais comme je suis, comme il s'appelle dans un autre informe, je rigole. Mais je fais l'awareness pour dire à le gouvernement, attention, Les femmes besoin d'une place bien pour les enfants. Comme les enfants n'est pas bien, le futur n'est pas bien pour tout le monde. C'est ça que je dis. Tu peux discuter. Oui, bah excellent. C'est vous avez porté une voix très politique ici. C'est intéressant. Vraiment, oh my God. Oui, mais c'est bien. On a besoin. On a besoin de la politique un petit peu. Oui, parce que juste la politique, c'est juste simplement de savoir c'est des idées pour vivre ensemble, de nouvelles idées pour proposer ensemble. C'est pas socialisme ou parti ou je sais pas quoi. C'est t'as besoin de la politique. Ouais. C'est à nous aussi de présenter des nouvelles idées au monde. Hein. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a des idées pour changer la vie, gouverner le monde? Oui. Élie, Frédéric, Makaya, est-ce que tu veux parler quelque chose? Tu veux nous dire? Tu composes un morceau? Tu vas nous faire un freestyle tout à l'heure? Ok. Makaya vient après à nous montrer une... Mais je vous propose... Ah oui. Mais on va écouter une petite chanson le temps qu'on vient avec la nouvelle chose sur Pinot Metanoia. Voilà, on est de retour sur Pinot et Radio Metanoia. Voilà, et aujourd'hui, c'est Cynthia et ton prénom, Joris, qui mène cette émission, parce que c'est elle qui, aujourd'hui, porte cet pouvoir. C'est pas Cynthia, c'est Gloria. Oh my God. Gloria. Ah oui, pourquoi j'ai dit Cynthia? C'est la dernière fois, là, c'est pas ouais. Bon. Ouais. Et Seyfor, c'est un nom néerlandais, c'est ça? Oui. Right. Yes, it's true. I was born in South America, but I grew up in the Netherlands. It's true. In which country of South America you were born? In Suriname. Suriname? Oui, à côté Brésil. Ouais, Brésil. Le samba. Ouais, la samba. On écoutait tout à l'heure. La samba. Elsa Soares. Cette femme incroyable qui fait la samba. Voilà. Et alors, on était où? On était en pleine discussion là-dedans. On avait improvisé une chanson. Il y a des gens qui veulent se rejoindre. Oui. Alors. Si, si, ils vont se rejoindre. Ils vont se rejoindre. Parce qu'à part boire du café, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, il y en a qui vont poser leur café et qui vont, se faire, et qui vont prendre part à la discussion. Donc, merci de leur donner un micro, en fait. Ouais, et on a mis des micros par tout le monde. Ils vont prendre. Merci Eric. De leur donner un micro. Hein. Eric va nous rejoindre tout de suite. Attends, là, il y a un micro. C'est Jason. Son cinquième café qu'il prend, je dirais. Il est là pour prendre du café. Tu peux donner ce micro. Non, non, non. Je te promets, il est venu que pour boire du café. Oh non, on boit du café, on parle. Tu peux parler, oui, Magaya, là parler. Non, non, non. Tiens, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est connecté, Magaya. Vas-y. Allô, allô. Oui. On parlait de quoi à l'instant? Alors, on parlait de quoi, hein? On parlait de quoi? Tu peux le dire, hein? Alors, juste avant, Gloria nous parlait de l'insalubrité face au logement concernant les femmes et les enfants. Oui. Donc, et après, voilà. Donc on te laisse part à la discussion. Bah moi, je viens à l'instant de prendre des dossiers pour mes enfants pour le sport, alors que je suis séparé de cette maman, que je vis des moments très difficiles à la maison, parce que je dois supporter qu'elle vit avec un autre homme, mais je dois être aussi là pour pouvoir voir mes enfants, et elle me veut encore sous sa couette. Comment faire pour répondre à cette analogique qui n'est pas la mienne? La femme haïtienne est-il une chienne ou a le H de Haïti sert-il à quelque chose? Parce que j'en ai marre de fumer du H, et je suis passé au CBD. Donc, voilà. D'accord, ok. Bah merci, merci pour cette petite introduction. De rien, c'est une invitation à la culture et au partage. Ok, non, c'est gentil, merci. De rien. Donc la suite. Eric, tu veux dire quelque chose sans venir? Il s'approche doucement, Eric. S'approche. Ouh, sûrement, il avance sa chaise. Chaque minute, il est plus proche de nous. Oh, voilà, tu vas prendre le livre, il va nous dire. Il va avoir un peu de philosophie. Voilà, on a une sorte de philosophie. On est en train de philosopher. Aussi, vous pouvez nous passer un coup de fil. Hein. Si vous nous appelez, s'il te plaît, prends le micro, parle-nous comme un ancien, puisque tu connais la loi de la jungle et tu connais la loi des haricots magiques. C'était quoi le sujet que tu m'avais dit en aparté? C'était quoi? En aparté? Il y a eu un aparté dans cette salle. Oui, pendant la musique, tu n'étais pas là, tu étais dehors. Je peux mettre une musique de fond? Non, c'est désolé. Du... Micro. Les gars, voilà, radio. Ouais. C'est pas l'animatrice préférée des idées. Ouais, mais ouais, non. Ouais, là. Donc, Eric. Ou sinon, nous, avec Makaya, on va chanter une chanson. Eric nous parlait du respect d'autrui. Il voulait le sujet du respect d'autrui, de l'écologie. Enfin, c'est un mélange de tout. Ouais, voilà. Il y a pas mal de sujets à aborder qui fait que, voilà, aujourd'hui, il faudrait qu'on reste jusqu'à 9h ou 10h. Oh, bah, on va rester jusqu'à 11h. Donc, c'était quoi le sujet? Mais c'est l'ouvre. Ouais, tiens-le près de toi, parce qu'on a besoin de ta parole, ta voix. On a tout le monde peut parler ici. Pour une fois qu'on a une liberté de parole, qu'on peut s'exprimer devant les gens. Et donc, j'ai entendu parler, il y a un duo qui va passer, là. Il y a un duo avec Makaya. Donc, Makaya. Mais Makaya, il est parti, là. Bah, il est parti s'entraîner. S'entraîner. Ouais. Il se prépare. Il se prépare. Bon. Tu veux chanter tout seul? Non, on va faire un... Alors, pourquoi les travaux sont au ralenti en France? Vous vous demandez pourquoi? Parce que j'ai ramené la philosophie où il fallait pas faire des routes. Vous comprenez ça? Pourquoi il y a trop de goudron? Vous savez pourquoi il y a trop de goudron? Pourquoi il est recyclé? Ou pourquoi on essaie de le faire en environnement, en végétal, en ceci, en cela? Parce que la France, elle est niquée déjà. Et celle qu'il y a ici en Bretagne, les seules richesses qu'il y a, c'est les Bretons qui les ont. C'est l'agriculture, la tomate. Et si on ramène le goût en Afrique, nous, on devient des princes africains, comme moi. Le prince de Bel Air. D'accord. Ouais, il y a Will Smith qui vient de nous rejoindre aussi. Ouais. Vraiment. Bon, on est là, on est au présent. Chacun a les droits à la parole. Chacun réagit. On a des échanges. Mais alors, excusez-moi pour mon Alzheimer, mais Gloria et. Seulement Makaya, je m'appelle Kumba l'éléphant du Gabon. Je te remercie. Et j'ai des coups de couteau pour confirmer l'amour qu'elles m'ont porté. Et j'en ai pas léché une en Afrique. Ok. Très intéressant. Après, Makaya, dès que tu as fini ta clope, on va se faire la chanson. Sur le freestyle. He's gonna freestyle? Yes. Let's freestyle then. Let's see what you can do. Ouais. Tu fais un freestyle aussi, tu sais faire des freestyles en anglais? For me, it's not the moment to do that. For me, it's to bring awareness. Ok. Yes. Rrr. Oh my God, c'est plus un freestyle, là, c'est parti en drill, ok. Il est 16h35, 4h30, il fait chaud, il fait 33 degrés. Oui, vraiment très chaud. On est en et si on augmentait la température avec une chanson ? Buvez de l'eau, c'est très important. Ouais. Ouais, voilà, hydratez-vous. Hydratez-vous parce que là, on est en plein dedans. Voilà, buvez de l'eau, hydratez-vous, c'est très important. Ouais. Ouais. Buvez bon. Tant que vous pouvez. Vous êtes prêts ? Je suis trop à l'aise là, vous me regardez tous. Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Martin. Martin, Federico. Ou alors, comme on dit en espagnol, Martin. Oh, Martino. Martino, oh, it sounds very beautiful. Federico wanted to talk about the environment, the climate. Yes, the nature. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le climat, à part que c'est catastrophique ? Plus proche du micro, s'il te plaît. Moi, j'ai quelque chose à dire sur le climat. Que les 35 degrés. Tu commandes une 4 saisons devant ta télévision. En constante la journée. Et on peut dire que c'est pratiquement partout pareil là où il brûle plus. Mm-hmm. Et constamment. Ce qui fait qu'ici, dans cette région, on l'a de plus en plus tôt. Et voilà. Et c'est de plus en plus gravissime. Enfin bref, si même certains, une majorité n'en prend pas conscience. Tant pis pour eux, ben nous on va faire avec et puis on essaiera de... Voilà quoi. Mais t'as dit, t'as des actions, tu proposes des actions, tu proposes... Ah ben les actions c'est toujours les mêmes, hein, essayer de faire le moins de dégâts possible, personnel et... Mais c'est quoi les dégâts personnels pour toi qui pourraient... Tout ce qu'on voit déjà dans les villes comme malpropreté ou ce qu'on a du mal à gérer comme dit madame quand ils ont des appartements avec des enfants et que l'appartement est insalubre. D'accord. Oui. Voilà, des choses comme ça, quoi. Des choses qui fait que le respect de tous et le même droit pour tous. D'accord. Voilà. Oh, merci. Et quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs et même à nous Pas de favoritisme, ne pas se fier à la personne, enfin, ne pas se fier. Voilà, quoi. Ne pas regarder à la prestance de la personne ou surtout l'aider par rapport à ses problèmes et la demande qu'elle vient vous demander. Ok, ouais. Vous donner. Ben voilà, sur ces paroles, je me tais. Okay. Très intéressant, ouais, merci. Tu peux revenir, là on est en libre parole. On est association libre, on réagit librement aux chansons. Donc voilà, Julien, qu'est-ce que se prépare là maintenant ? Il y a des choses qui se préparent autour de moi, j'entends. Mais je vais chanter tout seul, je pense. Ok, donc vas-y, on t'entend, tu mets là, tu te débrouilles. Ah, ok. Ok, donc... Je commence et... Donc voilà, tu vas ? C'est ça, vas-y. Mais il faut que ça marche. Hein. Quand ça marche plus. Qui veut de l'eau fraîche ? Allez-y. Mais c'est... Je veux parler ? Oui, Pat, vas-y, Pat. Pat, c'est Pat. Alors voilà, je vous annonce donc des renseignements sur les échecs. Donc, c'est le café Eastbunker qui est à Gare de l'Est qui fait des échecs. C'est un café où on organise des tournois d'échecs. C'est au 156 rue du Faubourg Saint-Martin. L'entrée, c'est 6 euros. Et donc, la licence, si vous avez une licence dans un club, vous ne payez que 6 euros. Et la licence, elle est déjà payée. Donc, vous payez 6 euros à chaque fois que vous venez tous les vendredis. Tout le monde dit à partir du 2 septembre. Et SMS, il faut envoyer un SMS à Xavier Robigny au 06 28 06 48 92. Et le magasin d'échecs, c'est Variante, au métro Saint-Michel, 29 rue Saint-André-des-Arts. C'est ouvert tous les lundis de 14h à 18h, le mardi à samedi de 11h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h, le numéro de téléphone c'est 0143 26 01 01. Et si vous voulez prendre des articles d'échecs dans ce magasin-là, vous prenez une boîte de pièces d'échecs plastique à 16 euros taille 5, un tapis marron d'échecs taille 5, 7,90 euros. Un produit de match électronique, DGT, 26 €. 26 €. DGT, 26 €. Et si vous voulez avoir des livres et des livres ou alors des magazines d'échecs, vous allez dans ce magasin-là. Si vous avez le relais H à la gare de Bondy, où ils vendent l'Europe Échec à 7,95 €. Sinon, si vous voulez trouver tous les livres, les magazines d'échecs, vous allez à Variante, au métro Saint-Michel, au 29 rue Saint-André-des-Arts. Merci beaucoup. Thank you very much. Très très intéressant tout ce que je vous échec là. Vous avez pris note. J'ai envie de faire une variante. Allez-y pour la variante. Allez-y. Alors E4, E5, KF3, KC6, Fou C4, KD4, Dame G5, K.F7, Dame G5, Pion G2. Tour F1, dame prend dame en G2, prend pion blanc E4, échec au roi, fou, si la dame est devant, elle est prise pour le cavalier, mais comme il y a déjà échec pour le cavalier, soit la dame prend le cavalier, il n'y a plus l'échec, mais il n'y a plus de dame chez les blancs. Donc, dame, G2 prend pion blanc avec E4, échec au roi. Fou blanc, E2, et KF3, échec et mat. Échec et mat, carrément. Bravo. Wow. Vous avez suivi tout ça, vous avez noté. Amateurs de d'échecs, ouais. Les experts, ça se passe à Gare de l'Est, c'est ça? Saint-Mizet. Non, c'est Café Isbunker, Gare de l'Est, échec. Merci. 156 rue du Faubourg Saint-Martin, prix 6 € l'entrée, tous les vendredis à partir du 2 septembre, soit ce soir, sur une partie de 5 minutes. De 5 minutes, ce sont des parties de 15 minutes de temps pour chaque joueur. D'accord, merci. C'est SMS, c'est à Xavier Robini, 06 28 08 06 48 92. C'est un message pour Xavier Robini pour dire que si. Et donc ça débute tous les vendredis à partir du 2 septembre, à partir de 20h, il faut s'inscrire, et à 20h30, vous donnez 6 €, mais seulement, moi je vous conseille d'aller dans un club d'échecs avant, et après vous avez la licence, après vous pouvez payer 6 € à chaque fois que vous venez tous les vendredis, et vous pourrez jouer tous les vendredis à 6 € pour faire le tournoi d'échecs. Où il faut s'inscrire à 20h, ça commence à 20h30 et ça finit à minuit. Voilà. Merci. Pat, il va Pat, il nous épate à chaque fois. Inaugurer chaque mercredi la colonne échecs. Il va venir parler des échecs parce que là, il nous a montré une partie d'échecs numérique. Ceux qui savent faire le pièce, ouais. Vous pouvez tout à fait monter. Et vous pouvez nous appeler au 06 58 49 01 01, 06 58 49 01 01, et vous passez en direct sur Radio Métanoïa. Et maintenant, on écoute Julien qui va parler. Des échecs aussi. Des échecs. Mais des autres types d'échecs. Des échecs du cœur. Pas du tout. Des échecs du pas du tout. Bonne punchline, j'aime bien. Des échecs du cœur. C'est un gamin. Mais... C'est quand je te verrai que mon petit cœur ira boum boum boum. C'est quand je t'aimerai, qu'on partira tous les deux en soum soum soum. Quand je te verrai, tu seras pas prête à me voir à genoux. Et Est-ce que tu mériterais une bague, des enfants et un bisou? Hey, hey, un, deux, trois, trois. Ah. Hey, hey, as-tu jamais remarqué ma présence? Tu sais, jamais j'aurais pensé qu'ensemble on se compléterait autant. Moi qui pensais que la vie n'avait qu'un seul sens. Ma belle, que t'es belle ce soir, tu rentres mes rêves, mes cauchemars et mes cauchemars. Mes bébés ne rentrent pas tard, sinon c'est quand je te verrai que mon petit cœur il fera boum boum boum. C'est quand je t'aimerai qu'on partira tous les deux en soum soum soum. Quand je te verrai, tu seras pas prête à me voir à genoux. Est-ce que tu mériterais une bague, des enfants et un bisou? Akaya, à toi. Oh, tu m'as pris sur le casque là. Balance le casque. Yeah, yeah. C'est quand je te verrai. Est-ce que tu mériterais une bague, des enfants? Oh, j'en ai une bonne, j'en ai une bonne. Pour toutes les filles pimentées, ce soir si vous voulez passer une soirée, je suis là en réglementé, dans la réglementation singulière d'un homme fier de ses ailes pour voler. Ok, je n'ai pas le temps, je pars en freestyle pour le moment. Je reconnais que j'avais mangé un piment. J'adore les femmes pimentées. Black woman I need you, black woman I love you. Brrr, minimaika, again and again and again and again and again. Parce que c'est ça le combat, on place la femme en merveille. On n'oublie pas ce qu'elle a fait pour nous. Le matin où on s'est mis debout, c'est quand une femme t'a appelé. Que mon petit cœur il fera boum boum boum. C'est quand je te verrai, que mon petit cœur il fera boum boum. Mais tu m'avais pas dit qu'on partait sur ce refrain, tu voulais faire du ça. Ouais mais c'est pas, je trouve plus l'instru. Au plus profond de ses lèvres. Je retrouve plus l'instru, je retrouve plus l'instru. Ok, donc on est perdu. C'est pas du tout ça que je voulais faire de base. Et non, c'était pas ça. C'était plus profond de tes fesses. C'est super quand même. C'est bien, bravo. Allez-y. Capella, le 2. On fait. Je la veux rien que pour moi. Elle est incroyable et le sait déjà. Blotti contre toi. Je sais que rien ne nous arrêtera. Je la veux rien pour moi, elle est incroyable et le sait déjà. Le sait déjà. Le contre toi, c'est que rien ne nous arrêtera. Nous arrêtera. Oh la bébé, comment ça va? Est-ce que t'es prête à ce que je te fasse du le ça? Toute la night, on s'amusera. Tellement les draps sont humides, ils arrêtent pas de crier papa. Oh yeah. Comme un beau sourire. Dis-moi, est-ce que t'es prête à souffrir? T'inquiète bébé, on n'est pas là pour dormir. J'oublie pas. Encore une fois, je t'aurais prévenu. Encore une fois, je suis là pour ton cul. Ouais. La météo annonce de la pluie, mais tu es déjà tout humide. Quand tu es. Encore une fois, je t'aurais prévenu. La météo annonce de la pluie, mais tu es déjà tout humide. J'amorce ton gros bonda. Je pourrais prendre le kilo. J'en ai fait des morceaux. Je revenais de Marseille des Calanques. J'avais remporté une brochette. Les sirènes, elles étaient chanteuses tout en casse-tête. Blotti contre toi. Je sais que rien ne nous arrivera. Je la veux rien pour moi. Elle est incroyable et le sait déjà. Alors passe-lui le nœud au doigt. Rien ne nous arrêtera. J'ai failli me tatuer le doigt d'une clé, d'une prière. Arrête d'aller trop profond. Je crois qu'elle a raison. Je pense que tu vas trop profond. Je pense qu'il faudrait te calmer, ça fait mal à l'hameçon. Coupez, coupez, coupez, décalez, changez d'instru, s'il vous plaît. Est-ce que la capote aurait craqué? Ah, je l'aurais mis pleine celle-là. Au fond de ta chatte, celle-là. Tu serais enfin enfanté. T'aurais enfin un enfant. Mon sperme est de qualité. Tu pourrais même le prendre dans ta bouche et l'avaler. C'est lui qui voulait faire du sale. Attends, on ne retrouve pas le, l'instru. Donc j'ai mis la chanson que j'ai enregistrée, mais du coup, lui, il ne peut pas chanter dessus. Ouais, parce que là, c'est... Et oui. Il n'y a pas ma place. Il n'y a pas ta place. Il n'y a pas ma place. Mettez-moi une instrumentale, malheureusement. Mettez-moi une instrumentale, s'il vous plaît. Mets-nous une instrumentale, n'importe laquelle. Je demande à une dame ici. Jason, vas-y, quel numéro? Ah, il va Jason. Chanter le... Jason, il veut chanter son Jason, morceau. Jason, allez. Jason, vas-y, vas-y. Allez, Jason. Vas-y, Jason. Mettez une instru pour Jason. T'écoute. Quand même. T'écoute. Vas-y, Jason. Allez, Jason, pas de... Il faut que tu mettes ton instru, là, parce qu'on n'a pas... Il faut toi-même que tu trouves ton instru. Non, mais mets okay. l'instru. Parce qu'on a... Mais attends, mais le problème, c'est que là, on est connecté sur Pinote, là. On est en dialogue direct. On rappelle qu'il y a une forte chaleur dehors. Oui. Qu'il est bon tu, oui, tu le dis qu'il a sa colonne gastrosophie aussi. Ouais. Il est bon de boire de l'eau, il est bon de s'hydrater. Attrape-le. Vous voulez de l'eau ? Non. Moi, je vais voir à 17h. C'est un petit rappel. Je vais rechercher une bouteille, j'ai vu. Non, c'est bon. Ok. On est de retour sur Metanoia. Tu voulais parler de quoi ? Ah, et Régis Héros, Régis Héros. On va nous dire. Ah, ça y est, Jason, t'es mis là. Vas-y. Après, on a une annonce à passer. Mais vas-y, Jason. Mais donne-moi, si tu veux connecter ton son, tiens, tu peux connecter ici, comme tu le sais. Tu es déjà un habitué des radios Metanoia, donc tu sais comment ça se passe. Donc tu peux y aller, tout ça. Tu mets là, tu mets play. Je mets comme ça. Vas-y. Vas-y, Jason. Faut le voir pour le croire, il est concentré. Je crois que je suis un peu plus Un, deux. Oui, oui. On est de retour. Désolé, on était coupé par des problèmes de piles. On était en plein dedans. Alors, on revient sur Radio Metanoia. Voilà. On a un matériel un peu précaire en ce moment. On a des piles qui doivent changer à chaque fois. Donc voilà. Mais on est de retour. Donc, on était où là ? Pat, il voulait dire quelque chose. Oui, alors voilà, je voulais vous dire que. Oui, alors c'est pas. Alors je voulais dire que le club, les Cavaliers Bondissants, le club d'échecs de Bondy va ouvrir vers le mois de entre le mois de septembre et le mois de décembre 2022. C'est à Plastenberger, près du Franprix qui a Bondy. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Suivant. Donc, je rappelle aussi qu'il y a un concert exceptionnel de l'Orchestre National d'Île-de-France et Richard Galliano à Bondy le dimanche 28 août à 16h au stade Léo Lagrange. Et je répète que c'est gratuit. Et on a une autre news à vous donner. L'hôpital de jour, l'Aquarelle de Rony, a le plaisir de vous partager sa nouvelle émission de radio Bulle d'air. Entre radio, on se donne un peu de la force. Donc ça s'appelle Bulle d'air et vous pouvez le retrouver sur SoundCloud en mettant Bulle d'air, D'R, comme la lettre R. J'allais dire le chiffre R, moi je suis pas bien. Non, et c'est la chaleur. Ouais. Et du coup, voilà, si vous voulez y aller, c'est. C'est à l'HDJ de Rony. Voilà. Que pensez-vous du coronavirus ? Qu'est-ce que pour vous est le coronavirus en France ? Demandons à une experte, à notre. Ah non, pas du tout. J'ai la tenue blanche, mais j'ai pas le cerveau qui va avec. C'est gentil. J'ai que la tenue, là. J'ai la tenue, mais j'ai pas le cerveau qui va avec. Demandez à quelqu'un d'autre. Je laisse mon tour. Ah, on a Pat qui veut prendre la parole. Alors, Pat, c'est à toi. Voilà, donc je vous annonce aussi que les Cavaliers Bondissants seront le samedi 10 septembre à la place de la Tête de Ville au forum des associations pour débattre avec des gens qui veulent s'inscrire pour le club. Qui veulent voir rencontrer des gens du club Bondissant, le club d'échecs de Bondy. Voilà. Merci. Donc, moi, j'ai une question, une petite question. Que pensez-vous de l'influence, enfin, des personnes, on va dire, connues, des réseaux sociaux sur nous, en fait ? Sur notre façon de faire les choses, sur notre façon de nous habiller, même de consommer en fait. Vous pensez quoi de ça ? Bonne question. What do you think about the influence of men or women in the social media? Who say to you how to dress, how to breathe, how to, you know. Bullshit like this. Parce que exemple, je prends un exemple tout simple. Une personne, on va dire, qui a une star qui mange végétarien, va se mettre à consommer végétarien. Mais comme ça, du jour au lendemain, vous pensez quoi de ce fléau ? Parce que je vois que ça arrive en vague, en fait. Ça fait très longtemps que c'est malheureusement là. Ça fait une dizaine d'années. Maintenant. Moi, je pense que, en fait, ça fait très longtemps que c'est là. Mais avant, c'était pas visible. Oui. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire que, voilà. Avant, c'était là, mais c'était pas flagrant. Hey, mon feu. Ok. De la pantomime qui arrive. La pantomime qui arrive. Gloria. Yes. You know, I am somebody. I don't follow nobody. C'est une personne qui ne suit personne. I follow myself, and I needed to teach myself that, you know, not to follow. Trends, fashion, and all those things. But, you know, some people are weak in their mind. The stars are doing this to take attention, to get your attention, to get your money. It is all about your money. But if you want to lose your money, go follow them. But if you want to have your money in your pocket, follow yourself. But you say yes. You follow anybody, but I you don't want that nobody. Woman follow you for the rise. Yes, because I do good things. So I didn't ask nobody for money. Are you an influencer? Ooh. Wow, that's a good question. Yes. En fait, notre... Julien. Julien, ok. Julien vient de dire que, oui, tu incites les gens à ne pas à suivre personne, mais à suivre leur propre personne. Mais toi, tu demandes à ce que les femmes te suivent dans ton mouvement. Très bonne question. Yes. Et donc, du coup, elle, son mouvement, c'est gratuit. Merci. Mm-hmm. C'est gratuit. On ne dépense pas notre argent. Mm-hmm. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Si vous voulez faire des actions plus grandes, il faut de l'argent. Par exemple, si vous voulez faire des meetings dans des stades, des trucs comme ça, il faut de l'argent. Donc des petits produits dérivés, des trucs comme ça. Il nous cherche, hein, Julien. Oui. Tu nous cherches. Hein. Non, je pense que c'est une très bonne, enfin, c'est une très bonne interaction, mais en soi, elle est nulle. Désolée. Parce que non, okay, non, c'est, okay. Oui, elle est très très nulle. Parce que en soi, enfin, nous, c'est pour une bonne cause, on va dire. C'est pas pour. Bah, est-ce que après, vous pensez que les est-ce que vous pensez par exemple que Gandhi était un influenceur à son époque? À son époque, ouais. Pour moi, oui. Ouais. Et quelle est. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça marche plus. Désolé, on a un petit moment de turbulence. Ah, c'est moi qui fais la zone de turbulence. Voilà. Attends, je t'emmène en première classe à Libreville. Non, merci. La première classe à Libreville, c'est pas du CDG, c'est le. Un report. L'erreur là. Bon, mais continue. Mais oui, du coup, non, Gandhi. Ouais, non, en fait, c'est nul ce que je viens de dire. Ouais, non, c'est pas non, nul. Si, si, c'est nul. Il le sait, que c'est pas nul. Non, il cherche un argument pour nous contrer, mais il sait qu'il n'arrive pas. Donc, il va chercher en 1900 et quelques. Vas-y, dis-nous. OK ouais. Tu veux comparer 1800 à 2022? Par exemple, on va prendre l'exemple. Cherche bien. Ouais, je cherche. Tu réfléchis un petit peu trop, là. Non, mais... est-ce que vous suivez quelqu'un qui n'est pas un influenceur? Quoi l'équipe? Ça commence, ça. Ça va ou pas? C'est-à-dire? Vous avez un chanteur ou une chanteuse ou un truc comme ça? Non. Vous aimez bien? Enfin, non, pas trop. Enfin, suivre, regarder les ouais. posts, oui. Ouais. Mais après, suivre, exemple, comme il mange végétarien ou comme il a testé tel restaurant, il faut que je le fasse, non. Pas suivre ouais, à ce mais point-là. Par exemple, si vous dites d'avoir une pensée, par exemple, que me saoule. Désolé, encore un élément perturbateur. Qu'est-ce que je disais du coup, je sais plus moi. Tu sais, en fait, je sais, tu sais pas ce que tu dis, t'oublies ce que tu dis parce que tu sais que c'est nul. Non, ah oui, je sais. Par exemple, si votre la personne que vous suivez, par exemple, que vous regardez ses posts, tout ça, vous dit à un moment, ouais, faut voter pour telle personne car il a des idées intéressantes, tout ça, qui n'ont rien à voir avec ce qui peut vous pousser à acheter quelque chose ou à consommer quelque chose, est-ce que vous le feriez? Je pourrais regarder. Mais après, ça dépend si ça m'intéresse ou pas. Vous n'êtes pas influençable Non. Comme la plupart de nos jeunes, des jeunes d'aujourd'hui. Non, moi je... Après, je ne sais pas vous avez quel âge, mais je dis ça comme ça. Bonne question, j'ai quel âge. Bonne question. Je dirais 25. Ouais, 25. 25 dans deux jours. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais bien sûr. Mais comme on est en 2000. Non, il a le cœur brisé. Il s'en remet, là. Il a eu le Covid, mais ça va. Ouais. Mais il faut le faire au micro parce que sinon on n'entend pas. Alors, Pat voulait dire, il faut les réagir. Pat, vas-y. Voilà. Je voulais réagir. Ouais. Je voulais parler de des aussi échecs. C'est-à-dire qu'il y aura du côté de la piscine à Rosny-sous-Bois le dimanche 11 septembre 2022. Il y aura du côté de la piscine, il y a à côté la forme association. Et il y aura le club d'échecs de Rosny-sous-Bois qui sera là-bas. Ah, il est parti. Voilà. Et vous, que pensez-vous des... par exemple, si, est-ce que vous suivez un échiquier ou un échiquier? Je ne sais pas comment on appelle une personne qui fait. Non, je joue avec des joueurs d'échecs. Ouais. Et ça m'apprend des choses d'échecs, des choses. Et j'ai avec des bouquins. J'ai aussi joué avec un jeu électronique et des échecs de Kasparov. Aussi. J'ai usé. Parce que j'ai usé. Ok. Merci. Cherchez pas. Non, mais elle est méchante. Du coup. Non, j'ai une question. Parlez au micro, s'il vous plaît. Et du coup, t'as appris à jouer seul? Non, c'est-à-dire que. Quand j'avais 15 ans, mon cousin qui avait 12 ans m'a dit viens, j'ai un jeu d'échecs chez moi, je vais t'apprendre à jouer aux échecs. Moi j'ai dit je comprends rien à ton truc, je comprends rien. Moi je joue que dame. Il me dit non, je vais t'apprendre. Il m'a pris les règles du jeu, le placement des pièces. Et après, j'ai commencé à comprendre le placement des pièces et l'arrêt du jeu, et comment bouger les pièces. Et après, au bout de trois parties, j'ai battu mon cousin. Waouh! Très belle histoire. Donc, merci à ton cousin, du coup, de t'avoir appris. Mais après, on a fait le tournoi des cousins. Ah. On était 1, 2, 5. On a fait ça chez moi, on a fait chez mon cousin. Et j'ai ramené les échiquiers, j'ai ramené les poules de match. Non, j'ai ramené les échiquiers. On a joué ensemble. Et après, mon cousin qui m'a appris à jouer aux échecs, par rapport à celui-là qui me battait aussi aux échecs aussi, bah, il a gagné deux tournois. Waouh, très bien, très belle histoire. Merci. Merci. Toutes les histoires d'échecs avec Pat là. Et je vous propose d'écouter. Une petite chanson avant de continuer pour reprendre un peu la chanson. C'est une vieille chanson National 7 de Charles Trenet. On va voir si ça passe sur Metanoia, parce que des fois on n'a pas des connexions, mais des fois ça marche. Bonne année 1905 sur Radio Metanoia. Vraiment, retour en arrière. En auto, retour. Ou en autostop. Retour dans le passé pour le coup. Vers les rivages du midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Hein? Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Une route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été. Remplis nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Vacances, qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, et la banlieue symbole de Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. Oui, merci aussi Jason qui accompagnait National 7. Mais quand tu arrêtes le micro, il ne faut pas le mettre avec le contrôleur, sinon ça fait l'arsène. Pat, tu voulais dire autre chose? Voilà, je veux donner une autre variante des échecs. Ouais. De la partie espagnole, la partie espagnole. Ouais. La première partie, la première variante, c'était la variante des défenses de Cavalier. Et maintenant, c'est la variante espagnole. Donc E4, E5, KF3, KFC6, Fou B5, Fou F1, B5, G8 et F6, petit rang côté blanc. Du côté droit, petit rock. Cavalier prend E4. D4. Cavalier E4 en... Ça va, Victor? Ouais. Cavalier E4 en... Quatre, on recule du côté, quatre en. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Quatre en six, vous mettez 5 pour six. D4 prend pion F5. K5, dame D1 prend dame D8, échec. Roi E8 prend dame blanche D8 et KFC3. Oh, waouh, vous avez suivi là tous les joueurs d'échecs? Ah, c'est bien, Pat, merci pour ta. Ça, c'est la défense espagnole, c'est ça? Espagnol, pour ceux de ces échecs là. Pat qui inaugure aujourd'hui la colonne des échecs et on a des nouveaux arrivants. Bonjour, Sophie, ça va? Ça va, docteur. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous raconter aujourd'hui? On est content de vous voir là. C'est vrai, vous m'avez manqué. Ouais, vous aussi, là, on est en plein, ouais. Plein live sur Pinot. Il paraît que Jeff, il vient de partir. Une heure à peu près. Jeff. Quel Jeff? Celui qui ressemble un peu au désert de Serge Gainsbourg, la désert de... Ah, Jeff, ouais. Il s'habille un peu comme Picasso, un peu poète maudit dans sa tête. Il a fait son astrologie astrale. Ah la vache, il a été bon? Ouais, comme d'habitude, un peu interrompu parce qu'il y avait des éléments perturbateurs dans les choses. Mais quand même, ça se fait. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? À part que vous m'avez tous manqué, la semaine dernière, je me suis... ennuyé parce qu'il n'y avait pas radio. Moi, je suis venu la semaine dernière comme un bête. Ah, t'avais oublié? Oui. Et que je vais bien, que j'espère un jour avoir une tonne d'argent pour acheter de la bonne picole, comme ça on pourra traquer à la fin. Donc voilà. Et vous, ça va? Ça va. Ouais. Fatigué. Tu crois qu'on aura les photos du mariage du docteur un jour? Oui. Oui. À ton avis, c'est passé comment? Je pense qu'il devait être quatre. Non. Avec des fleurs dans un jardin. C'est un truc bien, bien simple, comme il aime. Non, je pense pas. Je pense que c'est. Tu penses qu'il y avait des limousines à son mariage, franchement? Non. Ce docteur-là, c'est pas le docteur Serra, lui. Il n'y avait pas de limousine à son mariage. Je pense qu'il devait être habillé en blanc. Ouais. Ouais. Un peu style bucolique, un peu style champêtre. Oui. Mariage campagnard. Moi, je le vois, en fait, son mariage en Grèce. Je sais pas pourquoi, tu sais... En Grèce? En Grèce, tu sais, avec les trucs en Grèce. Ouais. Un peu folklorique. T'as un nouveau maître. Ouais. C'est qui ton maître en ce moment? T'as parlé de la Grèce. Tu kiffes sur la Grèce en ce moment? Non. T'as une nouvelle inspiration? Non. Si. Pas du tout. Oh, ok. D'accord. Bah, qui t'inspire en ce moment, alors? Personne. Ah merde. Merci Magaya, à la semaine prochaine. Salut, salut. Ah merde. Et ouais, mais en plus, t'as arrive. Besoin d'inspiration. Non, ça va, ça arrive. Hein. Ça bah vient, si, on ça... se fait chier sans inspiration. Ouais. Sans muse. Et vous, c'est quoi votre inspiration ? Sans muse, on s'amuse. J'allais dire vous. Mes inspirations, micro, sans déconner, micro. Il m'a posé une question. C'est lui, le docteur Serra. Hein ? Ouais, c'est lui, le docteur Serra. Je les adore. Complètement. Ah, donc, docteur Martin Carrasco. Non, mais c'est vrai. J'en suis complètement folle. On est toutes un peu amoureuses de notre médecin ou de notre maîtresse ou de notre prof. Moi, je suis amoureuse de lui et du docteur Serra. Je le dis cash. J'en ai rien à d'accord. faire. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est bon. J'ai lâché le morceau. On a le droit d'être amoureux de tout le monde. Hein. C'est normal. Bah si, c'est vrai. C'est parti. Tous les deux. Nous aussi, on est amoureux. Là. C'est un rapport d'amour un peu. On aime la oh. Ouais, mais moi, docteur, je vous aime moi. C'est moi qu'il faut aimer. C'est pas lui, c'est moi. Donc c'est moi qui ai fait ma déclaration. Lui, il a fait qu'écouter. Voilà, j'ai... Pat, il veut je pense intervenir. Que c'est un peu réciproque. Vas-y, Pat, tu veux parler. Voilà, donc j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous m'avez coupé dans mon élan. Oui, oui. Réagis, on réagit tous. Vas-y. Non, vas-y. Toi aussi, t'es amoureuse de ton docteur ? Non. Amoureuse ? Non. D'accord. Ok, bah moi aussi, en tout cas. Bah, ça s'appelle le transfert. Oh. Ouais. On a... Tout à on psychanalyse. Fait. Et je l'assume complètement. Je les kiffe à mort. Voilà, c'est un amour c'est bon, de laboratoire. Hmm mais Pat, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire, Pat ouais. Quand donc je veux dire. Dans la pièce, je l'ai vu, j'ai failli m'évanouir. Donc je veux dire. C'est pour ça, à chaque fois que je parle de son mariage, je fais mais qui l'a attrapé dans son lasso ? Un homme comme ça, c'est pas facile. Si ça se trouve, c'est un homme. Hein. Non. Non. Ouais. Si. Ouais, mais lui, il a le casque de Magneto. On peut pas rentrer dans sa tête comme ça, même à deux. Ouais. Parce que je veux dire, faut se lever tôt. T'es là. Mais je sais pas comment elle a fait, en tout cas. On va dire à bon mal ce qu'il pense. Vous êtes difficile. Et puis, il y a une musique pour moi. D'habitude, il met jamais de musique pour moi. Thank you. On est de retour sur Radio Metanoia, sur pinot.org. Et voilà. Est-ce que vous pouvez répondre au dialogue ? Micro, s'il vous plaît. Oui. Oui. Micro. Mais oui. On est là entre amis. C'est pas. Il n'y a pas de problème là. Non, mais là on est. C'est entre nous là. On est avec Pinot. Et oui. Entre nous. Voilà. Allez-y. Il fait 33 degrés. C'est parti. Alors je viens un peu en retard, mais c'est vrai que j'ai envie de parler d'un sujet. Je sais pas pourquoi. C'est l'homosexualité. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup. Donc voilà. Alors. Donc tout le monde s'est barré. Donc je sais pas ce qu'on va pouvoir dire, mais. Voilà, je suis entourée de personnes, voilà. Je suis entourée de personnes qui, je crois, n'ont jamais fait leur coming out et qui sortent avec des femmes ou des hommes pour pas en parler à leur famille parce que c'est pas accepté du tout encore. Donc voilà, et vivent encore dans le regard des gens, dans le regard de l'autre. Ah, c'est super! Vous restez avec nous ? Ah, cool. Ils vivent encore... Eric, dans le site, prends le micro, on a du renfort, là. On est là, on parle des choses. Non, tout le monde là, a la parole, mais c'est bien. Vous pouvez faire votre coming out sur Radio Metanoia. Vous pouvez c'est nous appeler. C'est quoi le sujet, du coup ? D'accord. Okay. Ils vivent encore dans le regard de l'autre. Et je trouve ça dommage. Après, on m'a dit que c'était pas si facile de se détacher du regard de sa famille, du regard des voisins, du regard du frère, de la sœur ou du prêtre, tout ça. Et ça, c'est pas que dans l'homosexualité. Et moi, j'ai réussi à me détacher. Bon, j'ai été excommuniée de ma famille. Ça fait mal. Il y a des jours, je me sens très seule, je déprime. Mais je me sens vivante. Voilà. Tu te sens toi-même. Enfin. Et vous êtes quoi, du coup ? Ça donne quoi ? Et vous êtes homosexuel, du coup ? Ah non. Je sais pas pourquoi je suis passée par là. Je crois que parce que j'ai une copine qui l'est, mais elle veut pas me le dire. Et je sais pas, j'étais en train de penser à elle. Ouais, et on parlait de ça parce qu'on doutait sur la sexualité de Martin, du coup. Voilà. On pense que Martin est homosexuel. Non, je pense pas. Si, ça se voit. C'est vrai ? Il se teint les cheveux. Parce qu'on s'étend les cheveux, tu penses qu'on est homosexuel parce qu'on s'étend les cheveux ? Tu vois, préjugé. Tu vois, les nouvelles générations. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Pat ? Alors, les échecs. Mon échec. Alors, voilà, j'ai une variante à vous annoncer. Ouais, allez-y. La variante. La variante, c'est le gueux au piano, le jeu tranquille. Le jeu tranquille, le gueux au piano, E4, E5. KF3, KC6, fou C4, fou C5, C3, KF6. Oui. Elle ressemble à ma voici. C3, KF6. Oh là là. KF6. Ensuite, faites. Vous pouvez parler au micro, comme ça on écoute. Ce qui est bien avec Pat, c'est que quand il fait des parties d'échecs, qu'il nous montre les variantes, c'est qu'il est sûr de gagner vu qu'il n'y a personne en face. Non, mais si, on est en face. Il interprète tout ce qu'on parle, ça, il les transforme en partie d'échecs. Exactement. Voilà, on n'a rien compris. C3, KF6. Ah. Ensuite, D4. Prend des 4, C prend des 4, fou en B4, échec au roi, KFC3, KF prend 4, petit roc du côté blanc. Est-ce que mon sujet interroge quelqu'un ? Moi. Se sentir. Voilà. Tu vois. Oui, non, mais c'est, j'ai pas tout écouté, mais ça m'intéresse. Mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'il parle aux échecs que ça l'intéresse pas. Hein. Attention. T'as peut-être une réponse aujourd'hui à ta question. Ouais. T'es tombé pile. Ouais. Tu vois. Alors, allez-y. Après, C prend les 4, E prend les 4, fou les 4 échec au roi, KFC 3, KF prend 4, KF prend 4, Ensuite, B, prends le pion, pion B2, pion B2, pion, voilà, échec et mat. Pion, pion, carré C3, C3. Ouais. Fou, B4, pion, carré C3. Après. Il attaque la tour, elle attaque la tour. Fou, C1, en B3, A3. Ensuite, C1, A3. Docteur, est-ce qu'on peut laisser parler l'infirmière? Voilà, parce que depuis tout à l'heure, elle est... C'est vrai? Pat, il a agi, il a sa colonne chèque. Tu as fini, Pat, ou pas? Non, c'est un A3. A3, ouais. A3. On a un jeu d'échecs, d'ailleurs, ici, on peut le confirmer. K7. Tour F1, E1. K7. Elle est fou. Fou. A3, prend, ouais. Merci, Pat. Merci, tu vas répondre tout à l'heure. Prend. Super, Pat. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, les autres peuvent parler parce que c'est fini. On a... Bonjour, ça va? Attends, jamais là, prenez un micro, là. Attends, si. Y a pas de casse ? Attends, c'est quel numéro le micro là ? C'est le. Ouais, jaune. Jaune. Attends, parle à voir. Allô ? Allô, non, c'est pas. Ah, voilà, là on m'entend. Voilà. Bonjour, bon, ben, bon, revoilà, comme d'habitude, Chab la Terreur qui va faire sa loi Bourdi. Donc, écoutez, moi je suis encore à Bourdi pendant un bon bout de temps histoire de bien me venger. Alors j'ai des têtes, j'ai mis des wanted sur certaines têtes, on a osé voler mon portable, mes affaires personnelles. J'ai des audiences au tribunal, on va bien rigoler, qui est qui. Maintenant je vous dis, moi je suis en train de me faire soigner. J'ai pris le temps de me muscler, j'ai pris le temps de faire plein de choses. Mais quand vous me regardez, faites attention à qui vous regardez. Je suis très dangereuse comme femme. Vous connaissez Nikita ? Je suis sa doublure. J'ai un cœur d'or, mais quand on m'énerve, le diable monte. Et je vous assure, je peux vous le promettre, avant de partir de mon lit, je vais faire le ménage. Pas comme les keufs, hein. Moi je suis pire qu'une keuf. Je vous soulève à 4h du matin avec un Allahu Akbar et je vous défonce tous. Un par un. Quand vous voulez, je vous attends. Bah, sinon, à part ça, bah, l'actualité, qu'est-ce qui se raconte chez Macron et Poutine là ? Voyons voir. Il y a toujours la guerre. Bon, bah, on va sortir nos colonnaises et on va faire la guerre avec Poutine. Qu'est-ce qu'il raconte, Macron? Bah, je sais pas, j'ai plus de télé. Il y a les huissiers qui sont passés, ils m'ont tout pris. Mais c'est pas grave. On est très fortes. J'ai la chance d'être dans un lieu où on m'encadre, on me soigne. Ça s'appelle EPS Ville-Évrard à Bondy-Nord, à côté du parc, super parc de Bondy. Alors, on me soigne. Il y a la radio, il y a le théâtre, il y a des activités. Les soignants sont un peu relous, hein. Ils aiment bien vous faire galérer, mais c'est pas grave, faut garder son calme. Toujours être très patient. Et je vous dis juste une chose, les gens, les personnes qui m'entendent. La patience, c'est d'or. Mon père m'a toujours dit, sbar benti, sbar, et tu gagneras. Mais là, je peux vous assurer que ma vengeance va être terrible. J'ai déjà commis des meurtres. Personne ne sait. Mais attendez mon retour. Surtout évitez de me regarder dans la rue, sinon je vous mets un kalachnikov dans la tête. Vous allez voir c'est quoi la guerre. Si vous avez des couilles, allez en Ukraine et faites la guerre. Au lieu de faire des beaux gosses là devant avec vos voitures. Là. Je vais vous brûler vos voitures, vous allez rien comprendre. Moi je suis pas matérialiste. Moi le matériel, j'achète moi-même. Quand j'ai besoin d'une arme, j'ai d'abord passé mon permis de port d'armes, après je mets des balles dans la tête. Comme ça. Il n'y a pas de confusion. Mais pourquoi vous êtes en colère là contre le monde ? Pourquoi je suis en colère ? Parce qu'à Bondy, ces fils de pute ont osé me violer. Après, on a osé me sodomiser à 10 ans. Après, on m'a fait un avortement, alors que je désirais mon enfant. Donc déjà, je vais faire une descente à Rotterdam ou à Amsterdam, mettre une belle bombe à l'hôpital. Donc ceux qui veulent du pilon, bah, suivez-moi. Je vais vous ramener un poulet grillé, ça va être plus simple. Parce que comme moi, je dis, va me prendre un kilo de pilon. Je parle pas de la coke ou du shit. Je parle de poulet, moi. Je peux pas sentir les poulets, mais j'aime bien le manger. Bon. Alors quand je vous dis je veux un kilo de pilon, qu'il n'y ait pas de confusion avec moi. Je rends de la drogue. Je suis anti-psychotique, anti-dépressif, anti. Vous connaissez le diable si c'était le dernier, bipolaire. Apparemment, je suis bipolaire. Non seulement je suis bipolaire, mais je, rien qu'avec mes yeux, je vous tue. J'ai peur de personne, j'ai peur que de Dieu. Il y en a un qui ose m'arrêter sur mon passage. Ah, Andek, il est mort. Il est mort à mes yeux. Déjà, Bondi, vous êtes tous morts à mes yeux. Je vous vois, hein. Je vous vois tous. Je suis crari. Mais vous êtes déjà tous morts à mes yeux, Bondi. Mais vous allez voir ma vengeance. C'est pas une bombe que je vais vous mettre. Vous allez voir ce que je vais vous mettre. Bon. Merci. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne journée quand même. Éclatez-vous bien même. Pendant que vous n'êtes pas emprisonné, hein. Quand même, une bonne journée. Hein. Merci d'être là, en tout cas. Ah oui, là. Bonne journée. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé au cou, là? Pourquoi tu as... Ah, alors, qu'est-ce qui m'est arrivé au cou? Bah, mes sœurs voulaient voir un concert Cheb Zahouania à l'époque. Là, c'est une bonne chanteuse algérienne, la femme Robeux. Mon père a dit, vous êtes interdit de sortie. Bah, je lui ai dit, ok, papa, on ne sort pas, on sort pas. Le problème, c'est que mes sœurs voulaient absolument y aller à ce concert. Je leur ai dit, ah, les sœurs, le daron, il a dit, on ne sort pas. Moi, j'ai dit, viens, viens, un cham, avec toi, ça passe bien. Je dis, y a pas de problème, on va sortir. Faudra pas rentrer après, papa va fermer la porte. Bon, on a fait nos kamikazes, on a été au concert, j'ai failli me faire planter par un couteau, enfin bon. Déjà, ils m'ont tous vénère, les mecs, avec mon mini-shirt. Après, j'ai à mes sœurs, écoutez, y a Fatima qui habite à Saint-Denis, elle a la voiture, on va dormir chez Fatima. Papa, il va calmer ses nerfs, on va rentrer, il va rien nous dire. Non, non, non, Cham, viens, on rentre à la maison, viens, vas-y, viens, Cham, viens. Comme je suis la plus grande de taille de ma famille, on m'appelle la Tour Eiffel en Algérie. Alors, je suis la plus grande de taille. Ils m'ont dit, j'ai mis la monte. J'ai dit, bon, bah, je vais mettre la poubelle. Je suis monté, il y avait le pavillon, il y a le levier. J'ai mis mes deux jambes, j'ai bien serré parce que j'ai vu mon père, quand même, j'étais par la fenêtre. Et mon père, il m'a balancé par la tête. J'ai dit, papa, c'est Cham. Il m'a rattrapé au bon moment. J'ai fait une calipette en arrière. Ma tête, elle a tempé le béton. Je suis tombé sur la tête. Je sais même pas comment je m'appelle des fois. Ouais. Et heureusement que je fais du sport. J'ai fait une calipette en arrière. Je suis retombé sur mes jambes. J'ai dit, espèce de fils de pute, tu touches ta fille, t'es qui, toi, pour moi? Mais j'avais perdu la mémoire. Alors je dis, ah, oh, papa, excuse-moi, je t'aime. Je reviens, t'inquiète. Tout ça en faisant une galipette. Ouais. Pendant le moment une de bicyclette. Une bicyclette. Ah. Merci pour ce petit moment de partage. Merci beaucoup. Oui, c'est ouais. Très belle histoire. Belle histoire. Et mais j'en ai des histoires à raconter, moi. Ah, je sais. Mais racontez-nous une histoire de douceur, de amour, de joie, de soleil. Bah, actuellement, je suis avec un homme que j'aime beaucoup. Je sais qu'il m'aime, mais il me propose bourrique. C'est comme je prends des médicaments. Père que Whitney Houston. You love me for you. Comme je prends beaucoup de médicaments, malgré moi, c'est des médicaments de tolard. Donc, j'ai une mémoire, c'est tellement je suis tombée sur la tête, des fois je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait. Je deviens incontrôlable et je me retrouve en psychiatrie. Alors lui, il me joue des tours en douce. Il croit que je ne sais pas que c'est lui. Quand je l'appelle, il me dit, ouais, j'ai besoin d'oxygène. On s'aime, hein. Mais on est toujours en train de s'embrouiller. Comment dire, une histoire d'amour. Ah non, mais on est fusionnel. Je l'aime à la folie. Mon Vince, je l'aime à la folie. Dédicace à Vince du 7-7. C'est Cham qui parle. Il y en a un qui lui casse les couilles, je lui mets un gun dans la tempe. On parle bien. Ah oui, oui, c'est là, ça c'est non, là, non. On dirait. Je l'aime. Pat, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Pat. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, si vous aimez les échecs. Ah ouais? Je joue aux échecs et maths, moi. À vous deux, vous pouvez jouer aux échecs ensemble. Hein. Ah non, je pense. C'est mon fils qui m'a appris à jouer aux échecs. Moi, bon. Je lui ai appris à jouer aux dames. Mais lui, vous voulez pas, il vous voulait proposer une partie aux échecs, là, je crois. Si vous voulez apprendre aux échecs. Jouer avec beaucoup de personnes, Jouer avec, avec des débutants, des confirmés, des tous les gens. Et aussi, je vous conseille aussi d'être dans un club d'échecs. Si c'est... Bah, la bibliothèque Diderot, tous les mercredis, les jeux d'échecs, c'est gratuit. Vous apprenez à jouer. Je sais. Non, mais les gens le savent pas. Donc, merci pour ce petit moment encore de partage. Et bah, voilà, pour ceux qui veulent jouer aux échecs, c'est à la bibliothèque, c'est ça ? François Mitterrand, et c'est gratuit. Abondi, c'est gratuit, c'est tous les mercredis après-midi. Okay. Donc du coup, il y avait une collègue à nous qui avait évoqué un sujet avant que j'arrive. C'était, il me semble que c'était l'homosexualité. Ah, bah chacun sa chose. Ouais, je sais pas si quelqu'un veut réagir. Voilà, parler de l'homosexualité. Il y a des micros pour tout donc, le monde. Donc Gloria, si t'as quelque chose à dire dessus, là-dessus. Sophie, on parle de ton sujet là. On parle de l'homosexualité, comment c'est vu dans la famille, etc. Donc, voilà, donc vous pouvez réagir. Vous pouvez nous appeler aussi au 06 58 49 01 01. Donc voilà, on parlait de l'homosexualité. Donc, et on est sur je vais la laisser poser sa question et j'y répondrai. Ah, voilà, j'ai une copine, Fatouli. Je crois qu'elle est d'origine, je crois qu'elle est du Sénégal. D'accord. Et elle s'est séparée avec son copain, elle a un fils de 13 ans. Son copain sortait avec sa meilleure amie, donc ils se sont séparés. Elle est retournée vivre chez sa mère et elle s'est mise à sortir avec des filles. Ok. Elle a flirté un peu avec le milieu homosexuel, tout ça, puis finalement, et puis là, elle a un copain, puis elle est toujours avec sa copine. Et je lui dis. Fatouli, je crois qu'elle est homosexuelle pour de vrai. Non, je crois qu'elle est homosexuelle pour de vrai. Je pense qu'elle l'assume pas parce que dans notre communauté, c'est encore très mal vu en fait. C'est un sujet tabou. Okay. Exactement. Mais et c'est dommage. Excuse-moi, ma chérie. Et c'est dommage parce que. Qu'elle est super épanouie quoi, depuis qu'elle est avec sa copine. Mais sa mère le sait pas. Okay. Or qu'elle a quand même 35 ans. Bah, parce qu'il y avait une majeure vaccinée. Ouais, mais dans notre communauté, on fait pas ce que je veux. C'est un sujet tabou. Mais la légalité du mariage homosexuel a été votée. T'en penses quoi ? Moi, je pense que. Voilà, tant qu'on s'aime. Moi, je pense que c'est. Qu'elle devrait lâcher l'affaire et le dire à sa mère et passer à autre chose. Oui, je pense aussi, mais. Elle a 35 balais, elle s'est séparée du père de son fils, elle en a chié. Je pense qu'elle devrait. Mais justement, peut-être qu'elle a peur de l'abandon. Je pense que elle a peur que sa mère. Je pense aussi qu'elle a peur de l'abandon. Okay. Elle a peur que sa mère la renie. Exactement, soit même du regard que la famille aura à son sujet. Ouais. C'est un sujet tabou. Je pense aussi, homosexuel. Puisque c'est pas dans certaines communautés qu'ils acceptent, qu'ils ont l'ouverture d'esprit. Ouais. Mais en France. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est vrai. Même en France, je pense qu'en France, c'est plus, on va dire, c'est plus mis en avant. Et Dracoin, il peut bien avoir de C'est plus mis en avant, même par rapport aux pubs. Actuellement, on voit des pubs où il y a des homosexuels, on voit des séries, des dessins animés. Donc, je pense qu'en France, ils ont aussi eu cette ouverture d'esprit où voudraient légaliser la chose. Ouais. Ils l'ont vraiment rendu légal, or que c'était déjà légal de base. Ouais. Mais ils ont vraiment voulu ouvrir l'ouverture d'esprit des gens. Ouais, mais en France, pour l'ouverture d'esprit, il faut repasser. Hein. Exactement. Donc, Ouais, mais c'est un sujet qui est important. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment... faut vraiment que tout le monde en fait, que chaque communauté même en parle, parce que l'acceptation vient aussi en parlant. Ouais, c'est vrai. Donc faut vraiment en discuter, faut vraiment mettre dans la tête des gens que c'est pas une abomination, maladie. Ou c'est pas une maladie, voilà. Ouais. C'est pas parce qu'on est homosexuel, exactement. Parce qu'il y en a qui sont croyants, qui le sont, mais qui le disent pas. Qui le disent pas. C'est souvent caché. C'est vraiment souvent caché. Donc Micro. Ouais, c'est vrai aussi. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne peut pas être homosexuel. D'accord. Enfin, l'orientation sexuelle, c'est chacun sa personne en fait. Et donc Gloria, tu as quelque chose à dire ? Putain. J'étais hyper concentrée sur ce qu'elle disait et je sens une main. Ouais. Non mais c'était bien, c'était doux. C'était doux. Gloria, tu veux dire quelque chose ? Et Merci, ma chérie. Attends, Gloria veut dire un truc. Et la France aussi, ils ont du mal. Oui, vas-y, Gloria. Tu traduis pour moi, s'il te plaît. Okay, vas-y, dis-nous. I am... Elle a une très belle boutique d'accessoires à Gagny, pas loin de la poste de Gagny. Ok, c'est une boutique de quoi? Elle vend des sacs, des montres, okay. Des bijoux, elle vend de tout. À quel prix, à peu près? C'est entre... Les sacs, c'est entre 20 et 30, et les accessoires, pareil, ou tu peux trouver moins cher, ça dépend. D'accord, mais elle a un Instagram, tout ça, non? Merde, je l'ai pas. Tu connais j'ai pas le nom? J'ai un téléphone comme ça. Bon. Même le nom de la boutique? Ma belle, ou je sais plus, un truc comme ça. C'est comme si t'allais à la poste de Gagny, c'est dans une petite ruelle. Okay. C'est la petite ruelle qu'il y a, comme si on allait à la poste, et c'est une petite boutique d'accessoires. D'accord. Donc pour nos auditeurs, auditrices, et même pour moi, parce que j'aime bien les bijoux. Hein. Mais là, je n'en porte pas. Parce mais si tu arrives à la trouver, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile, elle est un peu cachée, la boutique. Un peu comme ça, c'est... Donc elle est une boutique qui est à côté de la poste de Gagny, de l'angle. En direction de la poste de Gagny. Elle a une super un petit peu cachée. Voilà. Une super boutique avec de jolis bijoux, parce que je vois que ma chère collègue a beaucoup de bijoux et franchement, ils sont très jolis. Tout vient de chez elle. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Ouais. Là, il y a Gloria qui voulait. Gloria tu sais, quand je lui ai dit, mais Fatouli, t'es homosexuel, elle a sursauté. Je fais, c'est le mot qui te choque. Je fais, t'as l'air plus heureuse quand tu me parles de ta copine que quand tu me parles de ton mec. Sophie, on écoute un peu Gloria et après on continue. Gloria. Ok. Sophie, my French is not so good, but just now we were talking about influence. What is your name again? Joris. Joris was talking about influence, and now your name? Sophie. Sophie is talking about homosexual. I am 44 years old. Yes. Okay. So I went through a lot of things, and I was living in Amsterdam. Yes. Amsterdam. Is the city of homosexuals. Donc voilà, Gloria nous dit qu'elle a 44 ans et elle a vécu à Amsterdam. Amsterdam, c'est, on va dire, c'est la ville de l'homosexualité. The city of the homosexuality. C'est la ville. Voilà. Yes. So what? I love Amsterdam. Ils m'ont fait un avortement. Je vais aller à Amsterdam. Faut une belle bombe à l'hôpital. Vas-y, Gloria, vas-y. Et en même temps, je prends du pilon. Te laisse pas quand même. Voilà. Vas-y, vas-y. Attends. So, thank you. I love you too. So, what I saw beautiful, beautiful transsexual men. Yeah, vraiment. In that time, there was it. It is a discotheque where many famous people come, like Grace Jones. What is his name again? I forget his name. He died already of AIDS. Yes, Prince. Many people die of AIDS. HIV also. So what I wanted to say is that many people want to follow somebody, and that is not good. And sometimes they want to be homosexual because it is fashion right now. Vraiment. Donc voilà, Gloria nous dit que beaucoup de personnes comme se suivent comme de l'influence. Et là, l'influence actuelle, c'est l'homosexualité. Donc beaucoup de personnes sont homosexuelles parce que c'est la mode. C'est à la mode, c'est l'influence. Yes. Tu sais, Gloria, je pense que peut-être si Fatouli aurait vécu là-bas, peut-être qu'elle serait, ça serait elle aurait déclaré aussi. Vraiment. Parce qu'en France, il y a le Marais, mais je sais pas, c'est pas aussi populaire que comme a dit Amsterdam. Ils sont encore un peu cachés, même si c'est le Marais. C'est pas aussi déclaré, quoi. Non, exactement. Donc Gloria aussi nous a dit qu'Amsterdam, il y a des transsexuels qui sont vraiment, vraiment, vraiment super jolis. Mm-hmm. En mode, rien à voir, quoi. Yes, you can. Dis donc. I love transsexual shoes. I think when you are gay or something like that, you need to tell people what you are. Perruque, hair. Yes, I love it too. Yes. Ouais, on va mettre une chanson d'une chanteuse brésilienne. Il n'y a pas de souci. Qui est en Brésil, vous savez, au Brésil, il y a beaucoup de ça, de la transsexualité depuis tout le temps, avec les carnavals, tout le monde change de sexe, on peut s'habiller en fille, en garçon. Et c'est un thème que j'aime beaucoup, ça s'appelle Brilhantina de Renata Rosa. Okay. Meu cabelo é marombado, só bota banha de cheiro. Mamãe, eu quero brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado. Tout sur Metanoia, la radio qui transforme l'univers. Voilà. Est-ce que vous voulez parler, Pat? Vas-y. Voilà. Non, je vous annonce un lieu. Docteur, il a trop parlé. Est-ce que Gloria? Laissez-le parler. Non, s'il te plaît. Merde, je vous ai tutoyé, s'il vous plaît. Il y a lui qui ne parle pas assez. L'hôtel s'enfuit et l'hôtel, lui, il est parti. Et tout le monde veut parler, mais lui, il va faire une réaction. Il faut réagir. Moi, j'ai dit mais qu'il c'est pas un sujet, docteur. C'est bien. C'est bien, on est Radio Metanoia, on passe des coquelins, on a les droits de faire des choses surréalistes. Oui, allez-y. Donc je vous annonce un lieu où vous pouvez jouer aux échecs. Tout le monde peut jouer aux échecs du lundi au dimanche, à partir du matin jusqu'à 18h-19h. C'est au jardin du Luxembourg. Ok, super. Okay. Il nous reste 9 minutes. Vas-y, Frédéric, on t'écoute. S'il te plaît, vas-y, parce qu'on a besoin de toi, de ta voix. Tu dis des choses intéressantes, mais sont toujours off record. Là. Il y a des gens de la radio qui me disent, mais on n'attend pas. Qu'est-ce qu'il dit, Frédéric? Vas-y, on t'écoute. Gloria, micro, là, parce que, s'il te plaît. Frédéric, ton cœur dit quoi? Dites-moi. Mon cœur, il dit qu'il faut respecter tout le monde et que tout le monde doit se respecter mutuellement. Bravo. Tant que le respect est des personnes envers qui oui. On s'adresse ou elles s'adressent à vous, mm-hmm. à nous. Enfin bref. Bravo. Parlons à la troisième personne. Mm-hmm. Magnifique voilà. Ce que tu dis. Voilà, tu savais que tu allais dire des belles choses. Hein. C'est comme c'est ça. Hein. Mm-hmm. Gloria. Yes. Vas-y, on est tous les deux, plus Pat. Il nous reste 8 minutes à la radio. Martin. I have an TikTok, yes. And it s'appelle Miss Peru 7 and at Princess Royalty 77. Comme tu as quelque chose pour demander moi, contacte Martin. Ouais, ok. And je suis brésilienne carnaval danseur. Wow. Oui. On a un projet d'aller cette année, peut-être en février. On va essayer de convaincre Pedro Serra et compagnie d'aller en petit groupe au carnaval de Rio. Ok. Pas tout le monde, mais au moins une, deux personnes. Okay, bon, parce que moi, je sais que je suis déjà allé avec des autres gens. Mm-hmm. Et en fait, il y avait... Ce qui est très intéressant, que les anciens hôpitaux des jours sont devenus des écoles des sambas. Oh, ok, d'accord. Grâce à une loi qui passait sous le gouvernement de Lula, Gilberto Gil, ministère de l'Éducation, il a fait que tous les gens qui travaillaient avec la samba et la musique et dans des hôpitaux psychiatriques sont devenus des écoles des sambas. Oui. Donc les gens avant ont été hospitalisés et aujourd'hui ils sont des compositeurs de samba. Oui. Oh, et chaque année, on ajoute un sujet sur... Quelqu'un qui entend une voix, il dit « bon, j'entends des voix », il fait la samba là-dessus. D'accord. C'est-à-dire que plutôt que de souffrir, comme on disait tout à l'heure, et d'être déprimé par nos problèmes psychiatriques, on devient un acteur et on devient des chanteurs et danseurs de nos sujets. Ah, donc voilà, vous êtes bienvenus. Donc si vous êtes danseuse de carnaval, on va vous mettre sur la liste numéro 1. Tu vas, Pat? Oui. Bon. Et... Au revoir. Au revoir. Ciao, salut. Salut Pat, on se voit là. Merci pour les échecs, hein, colonne des échecs. La semaine prochaine, on continue les échecs. Voilà. Est-ce qu'on a encore 6 minutes à Radio Métanoïa? Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Eric? En tout cas, c'est bienvenue, vous deux. C'est la première fois que vous êtes là. Et vous êtes libre, vous êtes encore encouragé à venir tous les mercredis à parler librement. Okay. Et dites à vos amis, là, il y a l'adresse de la radio. Bah, on est sur Pinot, p-node.org et on va bientôt avoir des podcasts aussi et voilà, donc on peut faire, je sais pas, vous voulez chanter quelque chose, on a un petit moment de freestyle avant de couper et passer à autre chose. Donc s'il y a personne qui ne dit rien, on va et vous, Alexandre, ouais, faut... qui ça et... le freestyle. Ah, Julien. Oui. Voilà. Julien qui... Sophia, 3-4 minutes, voilà, on est là. Freestyle. Come freestyle, 3 minutes. Come, freestyle. Freestyle, 3 minutes, Radio Métanoïa, tous les métanoïaques arrivent, un par un. Les métanoïaques, aujourd'hui, une grande présence féminine. Voilà, c'est très très bien. Allez-y, prenez un micro, on a 3 minutes de freestyle. Voilà, et on va 3 minutes de freestyle tout de suite. Tout le monde va se calmer ici, freestyle. Vas-y, prends le téléphone, Sophie. Tout à l'heure, on parlait, et puis allô, je me lève et fais « Ah, t'as un beau cul. Hein. » Allô, oui, mais sur les voilà, un de ces jours, si Patouli me contamine, tu vois. Mais t'auras vu le mien, on dirait. Je vais dire celle qui on m'appelle Tayazette, tu sais ce que ça veut dire, Tayazette? Allez, où pour aller au cabine, ça veut dire la poule. Pour faire les choses bien. On dit « Arabe », ça veut dire « Rentre au cabine ». Je me suis dit « Aouda men », c'est « Aouda madolo ». Et Aouda Rome, c'est je me souviendrai de ta proposition. Et Aouda Rome, j'ai Aouda Bosch. Il est passé à côté. Il va dans un cabine, il va s'en tuer comme il faut. Mes bracelets, je rentre, elle me dit t'as des belles fesses. Donc je me souviendrai de cette proposition. Vous êtes bon, les blagues. Je crois que ma copine, elle m'a contaminé. Mais elle m'a dit que par contre, elle m'a dit Sophie, fais gaffe. Parce qu'elles sont très jalouses de ce côté et très violentes. Ah, moi, je suis pas jalouse, je suis misogyne. Je suis hétéro. Voilà. Moi, quand je vois une belle femme, je la reconnais, je suis franche. T'es comme Fatouli, toi, t'es dans le placard. J'en suis sûre. Je dis ce que je pense, mais je pense pas ce que je dis. J'en suis sûre. Quand je vois une belle femme, je lui dis, t'es magnifique, ma chérie. Ouais. Mais c'est pas pour la draguer. Après, la meuf, elle dit, elle doit être lesbienne. Je lui dis, range ton cul, sinon je te mets un concombre dedans. Quel poète. Alors, c'était une super journée. Super journée. Ah, c'est dommage, la radio est finie. One, two, three, team à l'Algérie. La Coupe d'Afrique. Elle dire quelque chose. Zidane, Real Madrid, Bernard Tapie est mort. Hommage à Bernard Tapie. On va chercher Jean-Pierre Papin. Moi, je suis des JPS. Comme. Donc voilà, pour rappeler, il y a un concert de l'orchestre à Bondy le dimanche 28 août à 16h au stade Léo Lagrange. Donc, voilà. Ah, Léo Lagrange, je faisais alors en non, 20 minutes, mais je fais de la pub. 8 tours de Léo Lagrange. Et quand je me suis entraîné au volleyball, j'étais dans un ma chérie, je cage de foot. À côté de chez moi. Attends. T'habites à l'allée de Fursy, t'habites là, ouais. T'habites à côté de chez moi. Ah, comment tu sais? Bah écoute, parce qu'un jour je suis passée à côté de toi, tu m'as dit bonjour, je t'ai dit bonjour. Et je me souviens, t'avais des nattes blondes. Ah, tout à fait. Voilà, et je me suis même dit, c'est bizarre, une maghrébine qui se fait des nattes, c'est très rare. Mais je mange jamais tout le monde, moi. Donc voilà, donc c'est bien elle. Donc voilà, si, aïe. Donc voilà, on peut pas la rater. En direct de Villevra. C'est la seule femme arabe que j'ai vue à Bondy avec des nattes africaines. Donc c'est elle, d'accord. Pour ça, je suis, mais en fait, on habite la même rue toutes les deux, d'accord. Ah, je l'ai même pas. Si. Donc voilà des retrouvailles en direct. Ouais. chérie, samedi, j'ai fait un brushing. Voilà. Gloria, donc, tu veux nous dire à sa porte directement. Tu veux nous dire. Samedi, j'ai fait un brushing. J'étais belle comme tout. Parce que là, c'est fini. Mais après, quand okay. On a bien fait la brushing. On est à deux minutes de la fin. Le brushing est parti. T'as frisé. Le brushing est parti en cacahuète. Et c'était bien. Comme elle a pris à faire, j'étais obligée de me laver. Oh merde. T'as pas gardé brushing. Mais. On va mettre des tresses. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Mais enfin, fais attention quand ça dégouline, ça tombe. Mais comme ça, il peut te tirer les cheveux. Non, quand ça. Quand il te prend dans l'autre sens, quand il passe par l'autre porte. Quand il prend le vrai, tu vas frapper. Oui, par l'autre porte. Voilà. Ok. Jury, t'es déjà passé par l'autre porte. Ouais, mais. On est déjà passé par l'autre porte avec toi. Et à poste 69 aussi, si vous voulez. Ah, mais on passe par toutes les portes là. Moi, il y a un Marocain qui a essayé de passer par l'autre porte chez moi. Ça a réussi à marcher. Depuis qu'on m'a violé, je suis. Ouais, parce qu'il m'a pris par surprise. Okay. Je m'y attendais pas. Ah, ce bâtard. Exact, tu me l'as pris de la bouche. Mais si ça aurait pas été fait par surprise, peut-être. Ça veut dire que c'est un viol ça. C'est un quoi? Non, parce qu'à force de se faire violer. Non, non, à force de pratiquer. Non, mais on m'a violé. Ah merde. Donc à force, je deviens une info. Mais non, mais tu l'es déjà à la base, ça n'a rien à voir. Oh, mais j'aime le cul, c'est pas ma faute. Hein. Ouais. Bah ouais, comme nous tous. C'est voilà. Beau l'amour. Bah oui, c'est ça, bon. Ça décompresse, ça fait du bien. Ça enlève du stress. Ça épanouit. Voilà. On a le sourire. Voilà. Et après, t'as ton petit mec qui dit, c'est pourquoi tu le check lui? Pourquoi oh, non, tu non, fais non, ça non. Lui? Pourquoi tu te mais on n'est jamais passé par l'autre porte avec toi. Tu veux jamais. Pas si je passe par ta porte, moi. Ça t'intéresse pas? Ah, ça t'intéresse pas. C'est parce qu'elle perd. Elle ouais. Gêne encore, elle quand gêne. C'est bien fait. Ah, mon petit mal. Non, Yessir, il me l'a mal jamais fait. Il m'a pas demandé la permission. J'étais surprise et j'ai eu très mal. Mais j'ai crié. Non, mais tu sais, c'est quoi plus mon problème, criais, ma chérie? Plus il avait l'air content. Ouais. Tu sais pourquoi je suis malheureuse? Mais je suis sûre que sinon, ça, c'est pas aussi bordélique. Oui? C'est pourquoi je suis malheureuse? Moi, parce que t'es amoureuse de moi, tu me l'as dit non, sur la terrasse là-bas. Il est 18h, Radio Métanoïa. Je suis sociable. On vous dit. Tu kiffes mes fesses. À la semaine prochaine. Tu kiffes même heure. Même lieu. Non, j'étais correcte avec toi. Tu kiffes mes fesses. Non. Arrête de parler cul. Je vais t'enculer.